Pour cette édition du Undead Incorporated Show, réanimation, nous retournons à une formule plus standard. C'est-à-dire que lors de la dernière du 7 mars, qui soulignait la 750e émission, j'avais dû prévoir, en plus de l'extension d'une heure à la programmation régulière, de me taper le Rockmaster pendant 3 heures. Comme si j'en avais pas assez de le faire pendant 6 heures, rock classique. Ben alors, il n'est pas si pire que ça. Donc ce soir, les choses reprennent le cours normal. 2 présentations de nouveautés qui auraient dû être faites la semaine dernière, ainsi qu'un contenu tout ce qu'il y a de plus régulier, mais très métal. Et si cela ne vous convenait pas, turn it off, bande de cons! Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque sa vocation première est de... Moi, en fait, y en a-t-il une? Ben oui, c'est ça. Je reprends. Lorsque sa vocation première est de préserver la vie. La sienne, en tout cas. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go. Don't leave. up in a minute. I know it. I'm gonna wake up. Fou 89.1. d'informations, visitez cifou.ca. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album Incandescence d'un avenir incertain ou bien Pleine lune d'automne, volume 3. On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle Olinéa, puis c'est disponible partout. L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan net, vraiment net. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Essaye Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Mets ça le volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant, en CD, en vinyle, puis en ligne. C'est fou, 89 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 21 mars de l'an des disgrâces 2017, le lendemain de la première journée officielle du printemps. Et je suis de retour. Taisez-vous. Merci quand même. Et oui, la semaine dernière, je n'ai pas pu faire l'émission Réanimation parce que Dame Nature n'était pas de notre bord la semaine dernière. Mais quoi qu'il en soit, je me reprends cette semaine avec la programmation prévue pour la semaine dernière. C'est comme ça. Juste avant cette pause publicitaire, on vient d'entendre la formation suédoise. En fait, il s'agissait d'un bloc constitué de 4 groupes, tous suédois, soit Bloodbath et la pièce Female of God's World, qui est tiré de leur plus récente parution Grand Morbid Funeral, qui était le 4e paru en 2014 sur Peaceville, et qui met le vocal, qui m'emballait le vocal de Nick Holmes, Hold Nick, qui est aussi le nom du diable, que l'on retrouve aussi au sein de Paradise Lost, mais je préfère définitivement son vocal avec Bloodbath, et je trouve qu'il va, le vocal se prête très bien à cette pièce qui était très bonne en passant. Justement, At the Gates, et un extrait de leur plus récente parution de 2015, soit At War with Reality, sous étiquette Century Media. La pièce étant The Conspiracy of the Blind. C'est définitivement pas un groupe que j'aime particulièrement, At the Gates, mais je dois dire que cet album-là, At War with Reality, était quand même assez bien. Il l'est encore toujours. Grave, et la pièce Amongst Marble and the Dead, tirée de Endless Processions of Souls, leur 10e en carrière par an 2012, sous étiquette Century Media également. Et nous avions ouvert avec Entombed Heidi et la pièce Down to Mars to Ride, excellente pièce tirée de Dead Down, leur 2e. Ben en fait, oui, c'est LG Petrov, c'est le chanteur de Entombed, maintenant sous le nom de Entombed Heidi, avec quelques nouveaux acolytes. Mais ce n'est quand même que leur 2e album, qui paraît en 2016, également sur étiquette Century Media. Ce soir, comme je l'ai dit, il y a présentation de deux nouveautés qui, nouveautés, oui, si on veut. Je parle de XDO que le Rockmaster et moi avons présenté la semaine dernière, Rock Classic. D'ailleurs, étrangement, je pense qu'on aura une pièce en commun sur cette présentation. Paru le 24 février, mais bon, la semaine dernière, je n'ai pas pu. La semaine d'avant, c'était la 750e, donc ça bouscule un peu les choses. J'aurai aussi la formation française Svart Crown, et leur quatrième parution à Reaction. Vraiment bon d'ailleurs. Mais on va y aller tout de suite avec... tiens, voilà, c'est la première fois que j'en passe de ce nouvel album des Brésiliens de Sepultura. Une pièce tirée de Machine Messiah qui est parue assez récemment. En fait, ça se calcule encore en semaine, si je ne m'abuse. Qui est, je dois dire, assez surprenant. Moi qui avais complètement abandonné cette formation-là depuis un certain nombre d'années, j'ai été agréablement surpris d'entendre Machine Messiah. Je trouve que c'est un bon album. Donc, on va aller écouter une pièce de cet album, soit leur 14e, la pièce étant Resistant Parasites. Vous êtes à réanimation jusqu'à 21h, bande de cons. Let's go! Yeah!

19h48, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, et ce, jusqu'à 21h. On vient de faire entendre la formation brésilienne, oui, encore une fois, Soulfly. Une excellente pièce tirée de leur bon album de 2010, le 7e Omen. La pièce étant Rise of the Fallen, qui était apparue sur Roadrunner, l'étiquette Roadrunner Records. C'est un des rarissimes albums de Soulfly que je trouve intéressant, je dois dire, voire par moments bon. Je suis pas tellement porté sur Max Cavalera en tant que tel. J'aime pas vraiment son attitude non plus, mais bon, ça c'est personnel. Juste avant, nous avions en formation assez bizarre de Walford en Angleterre, soit Sick. Formation qui donne dans un métal progressif, métal avant-gardiste, sont assez weird par moment. C'est une pièce relativement tranquille, soit Part of the Friction, qui est tirée de leur deuxième album, Death of a Dead Day. Formation qui, semble-t-il, est toujours active, mais qui n'est pas très productive, par contre. C'est paru en 2006 sur Beater Brothers. Juste avant, nous avions un extrait du premier album du side project de George Cops Grinder, Fisher, soit Serpentine Dominion, auquel il s'est joint Shannon Lucas, qui est un ex All That Remains et The Black Dahlia Murder, ainsi que Adam Dotkiewicz, wow, guitariste. De Killswitch Engage. Et un ex Shadow Swirl, entre autres. Donc, je l'ai déjà dit, j'ai déjà présenté à maintes reprises des pièces de Serpentine Dominion. La pièce étant Sovereign 8, tirée d'album homonyme, par en 2016. C'est un peu du Cannibal Corpse avec les influences des deux autres membres du groupe qui donnent dans des formations que j'aime beaucoup moins. Il y a certaines portions de vocal qui tombe un peu plus harmonieux, entre guillemets, qui parfois je trouve qu'elle détonne énormément, mais généralement parlant, je trouve que c'est un bon album. Il y a des choses assez intéressantes, il y a des contrastes qui sont bien aussi dans cet album de Serpentine Dominion. Et on est ouvert avec Sepultura, une autre formation brésilienne, et un extrait de leur dernière apparition, soit la 14e Machine Messiah, la pièce étant Resistant Parasites. C'est une de mes préférées, sinon ma préférée de l'album. Je dois dire que je l'ai dit tout à l'heure en présentation de blog, je suis très surpris de cet album et agréablement, je dois le dire. C'est paru bien sûr en début d'année 2017 sur l'étiquette Nuclear Blast. Il est 19h51, on va aller avec la première présentation de la semaine. Je parle de la formation montréalaise XDO. Qui donne dans un death metal la connotation symphonique, voire même épique, dont l'influence et la... Ben, l'influence, non, je dirais. Oui, l'influence d'une certaine façon, mais dont le concept est entièrement dédié à la Rome antique et à la mythologie. Je vous parle de leur troisième album qui est paru. Oui, tu peux bien rire, toi. Tais-toi, hein, c'est mal poli. Qui est paru le 24 février dernier sur Napalm Records, soit The Immortal Wars. On en a parlé, le Rockmaster et moi, quand même, un petit bout de temps, là, une bonne demi-heure, non, c'est pas vrai, le vendredi dernier, de cet album XDO, parce que Alain l'a présenté. Moi, j'ai été très étonné de... Comment je pourrais dire de cette avancée au niveau de la qualité et je dirais originalité peut-être d'une certaine façon de ce nouvel album de XDO, parce que j'avais bien aimé le premier Romulus qui était paru en 2009. J'avais beaucoup moins aimé Caligula le deuxième en 2012. Ici, 5 ans ou à peu près plus tard, on nous ramène des Immortal Wars qui c'est un groupe qui a maturé, je dois le dire, qui a retrouvé un peu plus qui a créé son identité. Bon, comme je l'ai dit dans la chronique de réanimation sur le site de réanimationad.com, ben comme je l'ai dit parce que il est plus là. Bon, ben je l'ai dit, mais je vais vous le dire verbalement. Peut-être un petit peu trop de keyboards à mon goût, peut-être un petit peu mal dosé, mais ce n'est qu'un détail parce que généralement parlant, les pièces sont assez accrochantes, accrocheuses. C'est très bien produit. Et on retrouve quand même pas mal de puissance de cette musique-là. Ben, qui est XDO? C'est Cataclysm. Il ne faut pas dire cataclysme. Hein? Je vous interdis de dire d'appeler ce groupe Cataclysme. C'est complètement ridicule. C'est Cataclysm. C'est Cataclysm, en effet, dans son entier, à l'exception du bassiste qui, ici, est... Le poste est occupé par Dano Apekian, qui est le bassiste aussi de Ashes of Eden. Donc, on retrouve XDO à l'instant avec deux pièces qui sont respectivement The Rise of Hannibal et une pièce qui est parue la semaine dernière à Rock Classic, mais qui est très bonne et qui vaut la peine d'être écoutée, soit Crossing the Alps. Vous êtes à réanimation. Let's go! êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça à une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Assemblage requis. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. C'est fou! 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à 6 Trois-Rivières, c'est le 89.1. C'est un fait. Vous êtes assez fou, merci. Vient d'entendre l'information montréalaise ex-DO et deux pièces tirées de leur dernière parution, soit des Mortal Wars, qui est paru le 24 février dernier sur Napalm Records. On a entendu à l'instant avant la pause Crossing the Alps, qui est une des bonnes pièces de l'album. Et c'était précédé par The Rise of Hannibal, qui, mes goûts personnels, c'est un pléonasme, mais est personnel, mais à mes goûts. c'est une de mes préférées, je dois dire. Mais comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a un petit peu trop de clavier à mon goût qui... parfois, je joue dans les sphères relativement hautes et je trouve que ça enlève peut-être un petit peu d'impact et de entre guillemets, de gras à l'album, mais c'est un détail qui sur lequel je passe par-dessus assez facilement. On va pour procéder tout de suite à la deuxième nouveauté de la semaine, qui est formation française de Nice, Provence, Alpes, Côte d'Azur, soit la formation Svart Crown, qui donne dans un black death metal. Ils en sont à leur quatrième album, et j'ai découvert la formation uniquement avec cet album qui porte le nom de Abreaction, qui est paru, un instant, je vais vous le dire précisément, le 3 mars dernier sur Century Media. Formation qui donne, comme j'ai dit dans The Black Death Metal, qui sont assez intéressants, je dois dire. J'ai bien aimé ce qu'ils font. Je vous propose d'aller écouter deux pièces immédiatement, soit... je vais le dire tout à l'heure, c'est beaucoup trop complexe. Soit dit en passant, Kevin Verley, qui est le guitariste, est aussi un ex-aborted, mais de façon live seulement ou en spectacle. Je vous propose à l'instant Svart Crown. On se retrouve tout de suite après pour la chronique cinéma. Let's go! We'll be right back. la formation française Zwart Crown et deux pièces tirées de leur plus récente parution, le quatrième Ab Reaction, qui est paru le 3 mars dernier sous étiquette Century Media. On vient d'entendre la pièce dont je déteste dire le titre, Transubstantiation. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Peu importe. C'était précédé de The Pact, The Devil Is, To The Devil Is Due. J'ai beaucoup aimé. Très intense, des moments très lourds qui sont aussi, je dirais, très... qui amènent beaucoup à la visualisation mentale de diverses scènes qui sont pas nécessairement toutes agréables. Mais c'est une formation qui, je vais m'obliger, oui, pas obligé, par obligation, mais plutôt par plaisir, je devrais dire, de découvrir ce qu'ils ont fait précédemment, parce que j'ai beaucoup aimé cet album, Ab Reaction. Un album, en fait, je dirais, quand même de 54 minutes, presque 55. Il y a beaucoup de choses intéressantes. On passe par des styles qui sont tous concentré vers le black, en fait black and death metal, mais avec des influences qui sont définitivement du doom par moment, qui donnent une lourdeur bien apportée, parce que l'ambiance qui s'en dégage n'est pas monotone, voilà. Bref, je vous le recommande avec... avec je sais pas quoi, là, hein? Avec recommandation, voilà. côté cinéma, ce qui est en salle actuellement, ben c'est Kong Skull Island, bien sûr, un drame d'aventure et fantastique qui est un film de Jordan Vogt Roberts, qui met en vedette Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson et Brie Larson, et qui raconte le premier passage de l'homme sur l'île de King Kong. Bref, ça devrait être assez bon. J'ai bien hâte de le voir. Par contre, chose que j'ai moins apprécié voir, c'est le film tiré du jeu vidéo Assassin's Creed, qui met en vedette Michael Fassbender et Marion Cotillard, ainsi que Jeremy Irons. Moi, j'ai jamais joué à Assassin's Creed. Je ne suis plus un gamers. J'avais pas vraiment de connotation avec le film, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était très décousu, très long et très lent. Et j'admets volontairement, par contre, que c'est impeccablement réalisé au niveau technique et graphique, mais c'est vraiment pas venu me chercher. Et de ce que j'ai pu en lire et en entendre, il semble que ce n'est pas la cote, ce film. Je vous avais peut-être parlé, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, là, mais bref, non, je ne crois pas. Film d'action à connotation gangster qui est interprété par Ben Affleck et qui est aussi un film de Ben Affleck, c'est Live by Night, qui raconte l'ascension, malgré lui, dans les années 20, lors de la prohibition, de quelqu'un qui deviendra un caïd, joué par Ben Affleck, bien entendu. C'est très bon. J'ai beaucoup aimé la façon dont Affleck amène le scénario, dont il en fait une progression très intelligente et subtile. Et je dois le dire, ce type est devenu un excellent acteur et aussi un très bon réalisateur. Il est bien loin de ce qu'il a fait au début, lorsqu'il était un jeune premier et ses cabotinages. Non, c'est vraiment un très bon film, Live by Night. Je le recommande énormément. Je suis actuellement à écouter la première partie de la 7e saison de The Walking Dead, cette saison culte de Frank Darabont, bien sûr, qui est une série d'horreur et de zombies qui met en vedette, entre autres, le fameux Rick, Andrew Whitnilken, et ainsi que Norman Reedus dans le rôle de Daryl. Ben écoutez, j'en suis à la 9e le 9e épisode, que dis-je, actuellement. Et je dois avouer que jusqu'au huitième épisode, souhaite être un épisode, moi. Un épisode. Je me suis posé certaines questions parce que je trouvais que c'était excessivement lent, que c'était très, très, très, très psychologique et qu'on... du dernier... Ben, en fait, mis à part, évidemment, même le premier épisode qui laissait là où le sixième saison se terminait, c'est-à-dire alors que c'est épouvantable à être diabolique que Negan voulait se venger de l'assaut que les gens de Rick Grimes avaient fait contre son avant-poste et donc décidait d'en éliminer. Pour ceux qui l'ont pas vu encore, ben, je peux vous dire que c'est excessivement bien fait techniquement. Je sais que quand l'épisode est sorti de façon live, si on veut, sur les canaux spécialisés tels EMC, dont il est produit, ça avait eu un espèce d'impact au niveau des fans de dire que c'était épouvantable, que c'était horrible, et ainsi de suite. Moi, personnellement, étant un amateur, je dirais, depuis plusieurs décennies de films d'horreur, j'ai écouté énormément de films gore, j'ai trouvé que c'était... Ouais, c'est... Ça punch, oui, mais c'était pas déstabilisant, mais c'est excessivement bien fait. Par contre, on y croit vraiment. Mais après ça, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième épisode sont relativement lents et axés principalement sur un des personnages qui ne faisait pas nécessairement partie de cette tuerie. Donc, c'était un petit peu lent. Par contre, hier, vers la fin du huitième épisode et le neuvième, on commençait à voir que l'action revenait. Et personnellement, c'est une série de zombies. Hein. Faut pas s'attendre à avoir un débat psychologique sur les études de Freud. Là. Non, non, non. Il faut que ce soit proactif, puis il faut que ça projette de l'hémoglobine. Donc, The Walking Dead s'avère débuter à être pas mal bien, mais c'est à suivre. Je vous en reparlerai la prochaine semaine, probablement et certainement. J'ai finalement vu, et enfin, et grand bonheur, j'ai vu Rogue One Star Wars Story, qui est bien sûr l'épisode qui se situe entre le troisième et le quatrième de la saga Star Wars, qui n'a rien à voir avec les dernières productions de Disney qui sont divertissantes, mais un peu trop familiales et cabotineuses à mon goût par moment. Celui-là, ça fait renouer vraiment avec ceux qui sont fans de Star Wars, dont je suis. La vraie ambiance de Star Wars, celle qu'on recherche, celle qui a été quelque peu abandonnée depuis un certain nombre de productions ou en fait diluée pour le moins. Ici, Rogue One nous ramène ça avec un scénario qui est tout à fait attendu d'une certaine façon, mais en fait, on nous explique en détail comment en arriver au fameux quatrième épisode qui était le premier à être produit dans les années 70, je crois que c'est 77 ou 78, je ne suis plus certain. Vrais fans de Star Wars devraient savoir ça, peu importe. Bref, j'ai aimé beaucoup, beaucoup Rogue One, Star Wars Story, c'est le acting est excellent, l'action est très bonne et techniquement, laissez-moi vous dire que c'est vraiment quelque chose. Je vous en parlerai vraiment probablement plus la semaine prochaine parce que je ne l'ai pas terminé. Il est très long, il dure 3h15 minutes. La dernière production de Martin Scorsese, Silence, qui est un drame à connotation historique qui met en vedette Andrew Garfield, le dernier Spider-Man, Adam Driver ainsi que Liam Neeson, et qui met en scène des prêtres jésuites au 17e siècle qui se rendent au Japon pour retrouver leur mentor qui était là pour convertir les différents villages et la nation japonaise, si on veut, d'une certaine façon. Et c'était très mal perçu parce qu'à l'époque, au Japon, le christianisme était coupable de peine de mort. C'est très, très lent comme film. Au niveau graphique, c'est vraiment superbe, mais c'est très lent. Et par moments, c'est vraiment très horrible, je dois le dire. Bref, je vais vous en parler plus en détail la semaine prochaine puisque je ne l'ai pas terminé. Un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Patriot Day. Patriot's Days, Patriots Day, vais-je le dire, qui est un film d'action, un thriller, connotation historique, qui met en vedette Mark Wahlberg, Kevin Bacon et John Goodman, qui a très maigri, soit dit en passant. C'est un film de Peter Berg et qui relate les attentats terroristes de Boston de 2013 lors du fameux marathon. C'est un très bon film et ça brasse énormément. Donc, dans la deuxième moitié du film, dois-je dire, c'est vraiment très, très bon. Patriots Day, je vous le recommande pour ceux qui aiment les films d'action qui sont intelligents, bien réalisés et qui ont aussi une grosse connotation historique. La semaine prochaine, en espérant qu'il n'y ait pas de tempête encore une fois, sait-on jamais, soit le 28 mars, je vous présenterai, comme étant la dernière émission du mois, je vous présenterai l'album marquant qui cette fois-ci s'adressera à la formation Hail of Bullets. Et l'album Third de Rommel Chronicles, qui est un album que j'ai énormément aimé lors de sa sortie, que j'aime encore beaucoup. Je vous présenterai des nouvelles pièces du nouvel album Obituary, et je peux vous dire d'emblée, comme ça, que je suis agréablement surpris de cet album. J'en attendais pas vraiment pas autant, et je dois dire que l'album homonyme Obituary est un album qui est intéressant dans le genre. Ça, c'est loin de révolutionner tout. C'est au contraire, c'est du déjà vu, du déjà cuit, maintes et maintes fois réchauffé. Mais par contre, pour Obituary, compte tenu que les derniers albums étaient plus ou moins intéressants, voire pas du tout, selon moi, celui-là amène des trucs assez bien. Ainsi qu'une incursion dans le nouvel album de Mastodon, soit Emperor of Sin, dont j'ai fait une première écoute rapide et que j'ai trouvé quand même correct, je dois dire, comparativement aux deux derniers que j'avais vraiment pas aimé du tout. Bref, ce sera ça la semaine prochaine, en plus de recevoir en entrevue pour le lancement de leur nouvel album, la formation Nicolettienne, est-ce que ça se dit? Oui, je suppose. Ardox. Ardox qui lancera le 1er avril le prochain leur cinquième album, si je ne m'abuse, qui porte le nom de Towards Eternity. Donc, je recevrai J.D., le bassiste, ainsi que Steve Decotterill, le chanteur. Et, soit dit en passant, j'avais prévu peut-être vous présenter ce soir une pièce du nouvel album de Havoc, formation thrash metal américaine, soit Conformicide, quelque chose comme ça, là, peu importe. Mais pas du tout, parce que c'est vraiment pas intéressant. Ben, contrairement à mon ami DJ Tower of Death, qui semble avoir apprécié le nouvel album de Havoc, moi, je l'ai trouvé très moyen, et c'est déjà tout entendu, selon moi. Bon, dans le trash, c'est difficile. Lui, les bandes veulent tout faire ce qui s'est fait il y a 20-30 ans, donc, bof, non, je passe par-dessus. On va continuer cette fois-ci musicalement avec un bloc qui peut avoir une belle connotation thrash metal, dans laquelle on va entendre Exodus, Slayer Incantation, ainsi qu'une formation qui est un petit peu plus death metal, Behemoth. Let's go! une folle. Réanimation. Vétérance métal, c'est fou. Slow, give me slow, the apocalypse. Ben, c'est tout le temps que j'ai. C'est Behemoth, formation polonaise, et la pièce Ora pro Nobis Lucifer, qui est tirée de Satanist, leur 10e et le dernier, par contre, 2014, sur Nuclear Blast. Juste avant, nous avions formation Death Metal American Incantation et la pièce Progeny of Tyranny, qui est tirée sur Vanquished in Vengeance, le 9e, par contre, 2012, sur le Sonable Records. Slayer, bien entendu, et World Painted Blood. Cette pièce titre de ce 11e album, par contre, 2009, sur American Recording. Et nous avons ouvert avec les Américains d'Exodus, Iconoclasm, tiré de Atrocity Exhibition, Exhibit A, le huitième de la formation, par an 2007 sur Nuclear Blast. Dans quelques instants, c'est les gens de matière noire qui entrent en onde. Je vous rappelle que la semaine prochaine, j'y serai avec, entre autres, une entrevue avec Ordax, présentation de l'album marquant, Obituary et ainsi que Mastodon. Et ne manquez pas ce vendredi dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock, rock classique avec mon ami Alain Lefebvre. N'oubliez pas d'écouter l'émission de DJ Tower of Death ce vendredi, 18h30, Subversion, ainsi que de visiter le blog de mon ami Sinistro sur lemort.com. See you. Allez toujours faire foutre.